Au milieu de nulle part, les dingues et les paumés arpentent les trottoirs des cités oubliées. À Brest, comme ailleurs, ils trafiquent leur ennui, un salaire de la peur. C'est dans l'incertitude des matins qui déchantent qu'ils ont pris l'habitude de choisir la mort lente. Patron, encore un verre, je te jure c'est le dernier. Avant la mise en bière, demain je vais crever. Nous sommes les désaxés d'un monde à l'agonie, les dingues et les paumés, de la ville endormie, politicards véreux et fonctionnarisés. Sur nous, les malheureux, il vous plaît de cracher. Les larmes plein la gueule et la fleur au fusil, la valse des cercueils, étrange litanie. Les roses sont fanées, il n'y a plus d'espoir, les dingues et les paumés, toujours